qu'un soir. Pas de promesse, seul un espoir. 10 kilomètres, pas de l'image. L'on s'attend seul dans les gares. C'est pas de toi. Il y a tant de choses, il y a tant de droits. Mais tu suis à temps et tu y crois. De douceur. Et puis tu y penses, et puis tu pleures. Et toi tu pouvais plus rester là-bas. Et si tu vraiment ce qu'il a sépare de toi. Il y a tant de choses, il y a tant de droits. Et tu sais attendre et tu y crois. Et toi tu pouvais plus rester là-bas. Et si tu vraiment ce qu'il a sépare de toi. Il y a tant de choses, il y a tant de droits. Et tu sais attendre et tu y crois.